On va parler avec notre ami Tony Guzzo du site internet Le Bet NFL. Une semaine complètement folle, mais folle dans la NFL. On en parle avec Tony Guzzo. Salut Tony. Hello Danny, ça va bien? Ça va bien, ça T'es-tu va en bien. forme? Oh, Grosse semaine? ah, regarde, c'est une grosse semaine au travail, tout comme toi. Puis en plus de ça, grosse semaine dans la NFL. C'est vraiment, une corruption, je me trompe, mais c'est pas mal une des plus grosses semaines, une des plus grosses années du marché des joueurs autonomes cette année, avec des échanges au travers de ça, là, au travers de ça également. Tout à fait raison, un mélange d'échanges, un mélange de signatures, encore de la grosse argent qui ont été signés. Oui, je te dirais, c'est la plus grosse depuis des années. Des choses qu'on voyait pas venir, des surprises, déceptions. On a fait le tour. Je pense que c'est vraiment une semaine folle qu'on a vécue dans la NFL. On va commencer avec l'échange qui est survenu dans la nuit de samedi à dimanche passé. Les Raiders d'Oakland qui ont fait l'acquisition d'Antonio Brown des Steelers de Pittsburgh en retour d'un choix de troisième et de cinquième ronde. Écoute, le gars, c'est quand même une belle acquisition. Mais lui, il avait perdu beaucoup de valeur en raison évidemment de son attitude. Puis il y avait beaucoup d'équipes qui étaient frileuses de faire son acquisition. Tout à fait, Danny. Puis qu'est-ce qu'on a hâte de voir? C'est sûr que je sais pas s'il y en a qui ont vu les nouvelles un peu ou NFL Network, ça a l'air Antonio Brown est arrivé à il est allé chez Derek Carr, le quart arrière des Raiders, quand il a fait sa conférence de presse hier ou avant-hier, Ben, excusez. hier, c'est mercredi. Ouais, c'est ça. Donc, on se demandait, parce que la grosse question, c'était une excellente acquisition des Raiders, là, faut pas s'en cacher. Antonio Brown, il est quand même le meilleur receveur qu'on peut avoir en ce moment dans la NFL, mais on se demandait c'est qui lancerait le ballon. Fait Ouais. que, tu sais, même, il y avait des rumeurs que peut-être John Gruden le voulait plus, mais là, on voit Antonio Brown sonner à la porte de la résidence à Derek. Grosse accolade, j'ai hâte de travailler avec toi. Donc, je pense qu'ils vont donner, je pense que ça va être Derek Carr qui va pouvoir lui lancer le ballon. J'ai bien hâte de voir ça. Pour Antonio Brown, je pense qu'il va faire le travail. C'est un gars quand même, malgré son attitude qu'on a vue dernièrement, c'est un gars quand même qui travaille fort sur le terrain, ça s'entraîne très bien. Et j'ai bien hâte de voir ça. Je vais être honnête avec toi, là, je peux pas, il n'y a pas un expert en ce moment qui peut dire qui va être capable de pointer pour dire, ah, ça va être la meilleure saison d'Antonio Brown ou de Derek Carr. J'ai bien hâte de voir ça parce que ça va être vraiment la relation de John Gruden avec Derek Carr pour voir s'il va pouvoir fournir Antonio Brown là-dessus. Mais les Raiders sont difficiles à suivre. Hein. T'es-tu d'accord avec moi? Ils ont Oui. échangé l'homme de l'équipe, Khalil Mack. Ils l'ont échangé aux Bears de Chicago contre des choix repêchage. Tu te dis, bon, les Bears, toute évidence, les Raiders ont décidé de faire maison nette et arriver à Vegas en 2020-21 avec vraiment là, avec une équipe intéressante puis une équipe qui est sur le bord de gagner. Sauf que là, ils sont allés chercher Antonio Brown. Ils sont allés chercher Trey Brown également, des Raiders Oui. de mes Pats. Et ils ont donné cher pour Trey Brown également. Ils ont payé très cher. C'était une des équipes les plus agressives dans le dossier de Von Bell également. Difficile à suivre. Très, très difficile. Ouais, mais très difficile à suivre, mais es-tu d'accord avec moi, Antonio Brown, ça a pas coûté cher, hein? Non, c'est le troisième puis C'est cinquième. Et puis il y avait une banque. Ils ont trois choix de première ronde. Il y avait une banque de Exactement. choix. Fait que est-ce qu'on peut dire que moi je pense que deux affaires. Je pense que les Raiders ont réussi à corriger le tir en ce moment là côté visibilité ou publicité des Raiders parce que je pense que l'arrivée de Mike Mayock là avec John Gruden, ils semblent travailler pas mal en harmonie. Je pense Plus que qu'il Reggie s'est McKenzie, mais par contre, McKenzie, moi, je trouve qu'on a été très sévère avec. Ouais. C'était le gars qui a fait quand même beaucoup de bonnes choses à Oakland. Ouais, mais là, il est rendu avec Miami, fait que je me plains pas. Là. OK, ouais. Non, non, mais c'est ça. Fait que non, mais ils ont été difficiles à suivre, mais es-tu d'accord avec moi, ça va être une grosse pression pour les Raiders cette saison, là. Tu sais, je veux dire, justement, pour effacer les dossiers de Khalil Mack et Amari Cooper, tu sais, sont allés chercher un premier choix pour Cooper, puis ils ont dépensé un troisième pour Antonio Brown. Fait que j'ai bien hâte de voir au repas repêchage aussi. Je pense que l'attaque se reconstruit doucement là, avec l'arrivée d'Antonio Brown. Moi, mes points d'interrogation à ce date-ci, là, c'est Derek Carr et aussi comment Antonio Brown va réagir, parce qu'Antonio, il a dit en conférence de presse qu'il veut battre les records de Jerry Rice, tout ça, mais ça prend quelqu'un pour y lancer le ballon. Derek Carr n'a pas vraiment prouvé ça la dernière année. Ben, je pense qu'il était un mauvais terme avec John Gruden. Je me trompe, je vois ça de loin. Est-ce que tu as raison là-dessus? Ben, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis... Moi, là, qu'est-ce que j'ai vu, là, quand Antonio Brown est allé rejoindre Derek Carr, là, en pleine vidéo, là, peut-être qu'ils ont dit, OK, on fait cette vidéo-là pour... Mais moi aussi, je pense, j'en comprends pas celle-là. Fait qu'on va voir Gruden avec Carr dans la prochaine saison. Moi aussi, je pensais comme toi, il s'entendait pas bien. Mais Derek Carr est quand même un homme, un athlète qui se bat, qui a une belle attitude à ce niveau-là. On va voir. OK. Du côté maintenant des Browns de Cleveland, ça a été la deuxième grosse transaction de l'année du côté des Browns. C'est Odell Beckham, mais avant, il avait fait une grosse avec les Giants de New York là, aussi. Là. C'est une majeure qu'il avait fait avant l'échange d'Odell Beckham. Là. Ouais, ben ils sont allés chercher Olivier Vernon. Oui. Donc ça a été quand même une belle transaction à ce niveau-là. Et là, la grosse nouvelle, personne, ben je veux dire, ça a été une surprise là. On le voyait pas Odell Beckham s'en aller là. C'est un grand ami à Jarvis Landry. Là, c'est sûr que là, c'est l'amour fou entre ces deux-là parce qu'ils ont joué ensemble dans le passé. C'est des grands amis, mais là, ça, c'est deux têtes folles, là, deux grandes personnalités. Là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, quelqu'un va avoir le ballon, l'autre, il l'aura pas. Qu'est-ce que l'autre va dire? Tu sais, je veux dire, c'est quand même une belle transaction. Question d'égo aussi, je pense. Hein. Ça va prendre tout qu'un entraîneur pour gérer tous ces égos-là. Là. Ben moi c'est ça qu'est-ce qui me fascine, c'est que on a quand même un bon DG à Cleveland, John Dorsey, qui est capable de recruter ou d'aller chercher des bons joueurs. Là on a un nouveau coach en Freddie Kitchen, fait que c'était le coordonnateur offensif, mais en intérim là. J'ai hâte de voir ça. C'est des grandes têtes. Tu sais, je veux dire, c'est de l'ego là. Baker Mayfield là, c'est pas un enfant. Tu sais, je veux dire, c'est un kid qui a une attitude. C'est sûr que l'excitation est là à Cleveland là. Aujourd'hui, être fan de Cleveland, je serais super heureux. Là, l'affaire, c'est que j'ai fait la blague sur Twitter cette semaine, c'est que il y a quelqu'un qui a dit, ben il y a du talent brut, mais là, faut voir le talent net. Et c'est quoi le talent net? On va voir comment ces joueurs-là vont exécuter sur le terrain et le résultat de l'équipe. Là. Ça va être vraiment intéressant, mais la meilleure transaction ou acquisition pour Cleveland aussi, c'est aussi Sheldon Richardson qui va renforcer une ligne défensive qui est déjà prometteuse. Donc, en tout cas, grosse pression pour le nouveau coach Kitchen. J'espère qu'il va être bien entouré pour bien gérer son équipe autour, parce que sur papier, c'est faut voir Cleveland gagner sa division et on verra par la suite, mais on va voir si on a de la misère à avoir des victoires au tableau. Ça, c'est à cause que la gestion du comportement de cette équipe-là va être difficile. Oui, effectivement. Du côté des on dit également dans les gagnants aussi, on parle des Titans du Tennessee comme une organisation qui est quand même assez bien, qui sont allés chercher du talent intéressant à des prix raisonnables. Oui, ils ont été. C'est une équipe qui a été comme silencieuse, mais qui a fait vraiment efficace. Là. Donc, ça n'a pas fait jaser. Ils sont allés chercher, Cameron Wake des Dolphins. Beau contrat là. Adam Humphries comme receveur. Puis le garde offensif Roger Saffold, qui est quand même une belle acquisition. Ils ont re-signé le maraudeur Kenny Vaccaro. Tu sais, c'est des noms. C'est des joueurs qui font vraiment le travail, mais je veux dire, ça a été efficace. Je peux pas dire que c'est un gros wow, parce qu'on va voir comment que l'attaque Mariota puis le reste vont suivre. Là, OK. Dans les équipes perdantes, on met les Jets de New York. Écoute, je vais t'avouer là, que Le'Veon Bell avec les Jets, moi je sais pas. Il a manqué un an, puis un an, c'est beaucoup. C'est vrai qu'il est encore jeune, puis c'est vrai que c'était le meilleur demi avec Todd Gurley, mais par contre. Quand tu manques un S, c'est pas facile à revenir. Oui, ben, tout à fait, mais j'irais pas à dire, ben, je veux dire, c'est une équipe qui est à surveiller. Je peux pas dire qu'ils sont perdants parce que la façon qu'on a vu, l'entente qu'ils ont eue avec Bell, je pense qu'il y avait plus avec Pittsburgh, là. Fait que je pense que Le'Veon Bell a même perdu au niveau de l'argent. Fait qu'il était un peu, il vient de réaliser que oui, il y avait un certain pouvoir de négociation avant d'arrêter, mais je pense qu'il a réalisé que au niveau business, même après, tu pouvais pas avoir ce que tu voulais, là. Donc, c'est quand même, j'ai hâte de voir Le'Veon Bell parce que c'est le succès va être sa ligne offensive. Ouais. Donc, c'est là la grosse affaire. Ça va beaucoup aidé Sam Darnold, donc qui a quand même connu une deuxième moitié de saison intéressante. Bell va aider énormément. Il y a aussi l'arrivée de Crowder, le receveur qui est un ajout qui est à non négligé. Moi, je pense que je peux pas dire que ça a été vraiment perdant. Ça a été intéressant. Les Jets devaient faire des transactions de ce niveau-là. Ouais. On va voir là. Il y a quand même désormais un leader sur chaque ligne de la défense. Là, c'est-tu CJ Mosley aussi qui est arrivé, qui est une belle. Oui, c'est CJ Mosley, effectivement. C'est ça, qui était quand même une belle acquisition des Jets. Donc, c'est un retour du balancier, je peux te dire, Danny, mais je peux pas dire s'ils l'ont gagné ou s'ils l'ont perdu, mais ils devaient faire ces transactions-là, ces mouvements de personnel-là, fallait le faire pour aider Darnold et voir un peu comment que les Jets vont aller. Puis on n'oublie pas, on a un nouveau coach, Adam Gase, qui est là. Donc, ça va être intéressant à suivre. Une chatte ne retrouve pas ses petits dans la semaine qu'on a trouvé. Du côté maintenant de Blake Bortles qui est parti, oui. Moi, c'est drôle, hein, je le vois avec les Pats comme second à Tom Brady. Les gens qui me disent, ouais, t'envoies en masse des joueurs avec les Pats. C'est vrai, parce que c'est vrai que. Mais t'es d'accord avec moi que. Tu sais, je suis pas à l'aise avec Brian Hoyer. Puis Bortles. J'ai l'impression que c'est encore, ça va être le même style. Trop bon pour être deuxième, mais pas assez bon pour être premier. Mais je le verrai, moi. Mais pour revenir à tes Pats, là, sais-tu qu'est-ce que les Pats sont en train de vivre? Ça me fait penser à Cavillo dans le temps avec les Alouettes. C'est bon, la comparaison. On n'était pas capable, moi, j'étais le premier à dire, hey, faut le préparer, la relève, il va s'en aller d'ici 2 ans, faut avoir un bon deuxième, blablabla. Bla, bla. Mais là, je pense que Cavillo, il y avait le dernier mot. Mais moi, je pense Brady, je pense qu'on a eu la réponse avec le départ de Garoppolo. Je pense qu'on verra pas de bon deuxième à Nouvelle-Angleterre tant et si longtemps que Brady va être là, malheureusement. Mais il faut le préparer, c'est ça, mais en même temps, ouais, mais si le joueur... qui est aussi appartient que Pats, on est qui, nous autres, pour critiquer Belichick? Là? Exactement. On est qui? Puis avec raison, là, tu sais. Mais la question de Foles demande de l'argent, hein? Tu sais, il y a ça, la fin. 8 millions, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire pour terminer par rapport à Bowles, c'est que Blake Bortles. Blake Bortles, ouais, c'est ça. Mais on va voir là, tu sais. Moi, je voulais parler de la signature de Nick Foles là. Après, mélangé là. 88 millions par dizaine, pas longtemps. C'est ça. Mais Bortles, on va voir. Là, le marché des joueurs de Tottenham n'est pas fini non plus là. T'sais. Non. Mais tu voulais en parler, donc parle-en de Nick Foles. Ouais, ben Nick Foles, tu sais, on disait depuis des semaines, on parlait que lui aussi c'était, il était pas assez bon pour être un quart partant, mais il était trop bon pour un bon deuxième. Là. Ouais. Ça en était un. Puis on parlait beaucoup qu'il fitait bien dans le système des Eagles, mais cette semaine j'ai comme cliqué, réalisé que cette signature-là est quand même bonne parce que Nick Foles va aller rejoindre John DeFilippo. Qui est le coordonnateur qui a travaillé avec Nick Foles pendant les dernières années. Ils ont une excellente relation. C'était drôle d'entendre Nick Foles en conférence de presse parce qu'il parlait beaucoup de son coordonnateur, puis je pense qu'il n'a jamais mentionné le coach Doug Marrone. Donc, je pense que Nick Foles à Jacksonville, le fait qu'il connaît John DeFilippo, là, je vois c'est peut-être... C'était le coordonnateur à l'attaque. C'est exactement. Le coordonnateur des Jaguars. Donc, c'est une bonne relation, ça, avec. C'est important. C'est comme un Josh McDaniels avec Brady. Donc, si c'est vrai dans ce cas-là, Nick Foles peut connaître, mais encore une fois, un bon quart arrière, une bonne ligne offensive, c'est là qu'on va voir. C'est une grande signature, c'est beaucoup d'argent, là, je reviens pas. Mais c'est ça. Ça va combler pour les Jaguars. On va voir là, s'ils peuvent revenir comme qu'ils étaient là 2 ans quand ils étaient à une victoire d'aller au Super Bowl. La perte de Malik Jackson aussi n'est pas à négliger pour la défense. Les Jaguars manquent encore de cibles pour exploser en attaque. On va voir, mais Fournette est là à la course. Donc les Jaguars se sont grandement améliorés. OK. Ben, Tony, j'espère que je vais te laisser tranquille. Ben, quoi qu'on va pêcher, on va travailler avec Wallet aussi. Wallet. Oui. Ben, moi, j'aimerais passer la balle à Wallet pour le repêchage. Oui, effectivement, parce que là, c'est beaucoup de stock. Fait que c'est vrai qu'on a fait 2 chroniques de plus avec la Ligue Alliance, qui, malheureusement, ne semble pas lever pantoute. Je sais pas. Les codes d'écoute sont bonnes, mais quand même, tu sais, je sais pas. C'est une ligue qui est un peu les codes d'écoute ont été pas mal bonnes parce que c'est vraiment on est avant les séries du hockey, avant les séries de basketball, tout ça. March Madness est avant ça. Je pense qu'on va voir peut-être une baisse d'ici 2 semaines quand le March Madness va commencer. On va juste voir un peu si la finale va attirer, mais c'est une ligue qui est un peu, on parle de ligue de développement, donc je sais pas jusqu'à quel point ils veulent évaluer les codes d'écoute, là. Puis avant de finir, Danny, je voulais juste dire, le marché des joueurs autonomes à NFL, c'est pas fini. Puis l'équipe qui me déçoit le plus en ce moment, c'est les Colts. Les parce qu'il y avait Green Bay aussi, non? Ouais, mais les Colts, parce qu'il y avait quasiment, ils ont beaucoup d'argent à dépenser, puis ils n'ont pas réussi à aller chercher un gros nom. Ça me surprend un peu parce qu'il y avait quasiment une centaine de quelques millions. Ben, c'était l'équipe qui avait le plus d'argent à dépenser, puis ils l'ont pas fait. Mais les Packers sont allés chercher le maraudeur Adrian Amos, qui était des Bears, qui est quand même une bonne signature. Mais la plus décevante, c'est les Colts, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, puis les Cowboys, qui est pas mal silencieux aussi. Donc, ça a été excitant, Danny, puis je m'en vais me coucher. Bon, on s'en reparle bientôt. Merci, Danny. Tony Gougeau, de bcnfl.com.